Hey, salut à vous et bienvenue dans Radio Terre Dévastée, votre radio source d'informations hebdomadaires sur les terres dévastées du sud de la France. J'ai une petite annonce à vous faire. Je ne serai pas présent durant une bonne partie de l'émission, chers auditeurs. C'est Billy qui me remplacera, et ce, dès maintenant. Allez, à toi de jouer, Billy! Oulala. Là là. Bonjour. Bienvenue. On va suringuer. Oulala. Oulala, j'étais trop enthousiaste. Oulala. Là là. Musique. just a few moments. What would I give just to have you near? Tell me you will try to slip away somehow. Les informations arrivent. Voilà. Elles sont là. Alors, le pourparler apéro se serait pas très bien. Pas très très bien passé. Les maires de Perpignan et Cratère-Montpellier, avec le général du vieux fort militaire de Collioure. D'ailleurs, on sait toujours pas son nom à lui. Oui. D'ailleurs, ce dernier souhaite s'exprimer sur nos ondes. C'est quel bouton? C'est celui-là. Il est là. Il est là. Schickt Backstaffen an ich brech und ich brech die Schneef und ich starrach steff und ich starrach und ich starrach zu stickeln. Gackstapp und fit ich den la notre jeune Wurstreck und sbreck und sprack in du stack und tack. Kat ich spicken und stack und ihre Spack fackeln und stick und ich stack und skar muss die stack und ich spick tack von starrach am stack und ich stack von starrach tack und ihre stack und am stack und stasch wie prachs und schwo und das flasch und ihr stich und ihr schlag schint und schwandet und schwandel und schweiat spaffen und ihr mazak in stock und spiel am Mund und ich schiede Schafan! Urech spafun! Rastakum! Urastum frentaja! Oh là là! J'aimerais pas trop être son voisin en ce moment. Musique! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. To the town of Avril rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip. Big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip. And he's here to do some business with a big iron on his hip. Big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more. 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead. And he said it didn't matter, he was after Texas Red. After Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried to take him, 20 men had made a slip. 21 would be the ranger with the big iron on his hip. Big iron on his hip. The morning passed so quickly, it was time for them to meet. It was 11:20 when they walked out in the street. Folks were watching from the windows, everybody held their breath. They knew this handsome ranger was about to meet his death. About to meet his death.

remords. Je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta da da da da da. C'est l'heure des nouvelles. Marcy Argue aurait quelques problèmes de souris. Heureusement que ce n'est pas un problème de sourire, sinon ça voudrait dire qu'on devrait rendre les gens dépressifs, et ça serait pas très cool quand même. Oh. Autre information, un braqueur aurait mal compris les instructions. Il est effectivement parti avec la recette, mais pas la bonne. Une vieille dame se retrouve désormais sans sa recette de la tarte à la framboise. This old house ain't a home with no love inside it. But we set out pretty strong. Now we just can't fight it. I'm leaving today. I don't wanna argue or shout. You let the blues move in, now I'm moving out. What's the use in buying a car if you won't buy gasoline? We used to be two under par, now we can't get on the green. I don't know where it went, but it sure went a flying. Love's like dough that's been spent. Now there's no use of crying. Tell me, where can I go? East or west or north or due south? You let the blues move in, now I'm moving out. I'm picking it. What's the use in buying a car if you won't buy there's no use crying. Tell me, where can I go? East or west or north or new south? You let the blues move in, now I'm moving out. You let the blues move in, now I'm moving out. Un jour, j'ai vu une pièce de théâtre. Elle était vachement bien, hein. Mais j'ai pas tout compris. C'était qui, Rodney? Pourquoi il est allé là? Et puis j'étais avec une fille. Et je lui ai demandé. C'est là que je lui ai demandé de sortir avec moi. Et elle m'a dit, bah oui, ça y est, on est dehors. Puis elle est partie. Well, you know that I'm around. I kiss them and I love them, cause to me they're all the same. I hug them and I squeeze them, they don't even know my name. They call me the Wanderer. I tear open my shirt and I show a rosy on my chest, cause I'm a wanderer. Les maires de Perpignan et Cratère-Montpellier ont annoncé l'union catalogue, une union entre leurs deux villes respectives. Une union que l'on lit comme un magazine, parce que catalogue, ça ressemble à catalogue. Oh, c'est quand que Monsieur Radio y revient? Spring in the air, filled with love. There's magic everywhere. When you're young and in love, life seems to be a world of fantasy. c'est terminé. Ah! Voilà, monsieur Radio, au revoir, en plus. Oh! J'arrive pour la fin, on dirait. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Billy. On se retrouve la semaine prochaine, parce que l'amour a toujours lieu.